We'll move on now to the final part of the scene. À la gare du Nord. At the Gare du Nord. First, the new words and phrases. As before, listen to the French, then the English, the French again, then repeat. Avez-vous faim? Are you hungry? Avez-vous faim? Voulez-vous? Do you want? Voulez-vous? Manger. To eat. Manger. Quelque chose. Something. Quelque chose. Nous allons. We go, or let's go. Nous allons. À l'hôtel. To the hotel. À l'hôtel. Est-ce? Is it? Or is this? Est-ce? Votre valise. Your suitcase. Votre valise. Vous avez. You have. Vous avez. Bon. Good or right. Bon. Allons-y. Off we go. Allons-y.